pour ce petit retard. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Pessard, je suis responsable médiateur des ressources électroniques à l'Institut français du Proche-Orient, qui est un institut qui fait partie du réseau des centres français à l'étranger. Ils sont situés à Damas, à Alep, à Amman et à Beyrouth. Et nous couvrons l'ensemble des sciences humaines et sociales, depuis l'archéologie jusqu'à la politologie. Et je peux passer un petit marque-page de l'Institut. Auparavant, ça fait un an que j'ai quitté le CLEO, comme l'a déjà signalé Marin. J'étais responsable du pôle formation scientifique et technique qui est aujourd'hui animé par Destin Cavallo. Et j'ai travaillé sur les questions de référencement dès que j'ai rejoint le portail, le CLEO, il y a déjà trois ans. Donc je vais commencer par vous montrer trois exemples de référencement. Donc j'ai voulu chercher dans Google un laboratoire de sciences de la communication qui s'appelle Information, Communication et Enjeux Scientifiques. Donc j'ai tapé le nom du laboratoire dans Google et voici la page de résultats qui se présente à moi. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Voilà. Donc, je tape le nom du laboratoire dans Google. Hein. C'est une pratique courante de chercher en premier dans Google. Et voici le résultat. Donc, est-ce que vous voyez un souci dans le résultat de cette recherche? Comment? Le labo n'y est pas. Le labo n'y est pas. En fait, le labo y est, pardon. Puisque le labo, c'est celui-là. Donc, on a un problème ici, typiquement de nommage, qui va troubler le référencement du site du laboratoire. Donc, on ne va pas discuter du choix du directeur du laboratoire d'appeler son labo le site, son propre site. C'est peut-être écrit en trop petit pour vous, mais l'URL du site, l'adresse, c'est ça. Donc là, on a un autre problème de nommage. On a un problème de nommage de la ressource électronique et un problème de nommage de l'adresse de la ressource électronique. Le problème va se poser quand il va se passer quoi ? Donc là, on a un premier problème de référencement. J'en profite pour rappeler que les mandats de directeur sont quadriennaux et renouvelables seulement deux fois. Je donne une information technique sans porter de jugement en tant que directeur. Bon, je tiens à dire que tout ce que je vais montrer, des fois ça peut être marrant ou je montrerai aussi des erreurs que nous avons commises à l'IFPO en termes de référencement. Tout ça va dépendre de l'objectif étant de donner des repères, de donner des basiques, et on est tous à même de faire des erreurs sur le référencement, c'est pas une science exacte. Et la qualité du référencement va évoluer au fur et à mesure de l'évolution du web, ce n'est jamais fini le référencement. Donc voilà, il faut aussi être un peu bienveillant avec les collègues quand on va parfois un peu s'amuser ici. Voilà, tout simplement, parce qu'on fait aussi des bêtises. Donc l'ANR récemment a sorti les cahiers de l'ANR, un nouveau périodique. Donc je veux lire ces cahiers, ça m'intéresse. Et donc je vais rechercher dans Google les cahiers de l'ANR. Donc le résultat de la recherche, si je tape les cahiers de l'ANR, c'est que je ne trouve pas les cahiers de l'ANR dans le résultat de la recherche, intitulé de cette façon. Donc ici, si je clique là, je vais trouver les cahiers de l'ANR. Ici. Est-ce que vous dites déjà on a un problème de référencement dans le résultat du moteur de la... Les résultats du moteur, et ensuite ici, qu'est-ce qu'on a comme problème? Voilà, on a un problème de... Bon, l'ANR, on a un problème de citabilité. Cette publication, elle n'est pas du tout citable. Donc, on va aujourd'hui revoir un peu passer en revue toutes les problématiques que vous avez observées depuis... qui vous ont été exposées depuis 3 jours. La citabilité, la question des identifiants, la question de l'interopérabilité, tout ça va se retrouver dans le référencement. Donc, si je veux citer les cahiers de l'ANR, je suis bien embêté parce que je n'ai pas une adresse me permettant de citer ces cahiers, et je n'ai pas une page véritablement dédiée à ces cahiers, puisqu'ils se retrouvent dans le flux d'actualité du site de l'ANR. Donc ici, on a un problème d'agencement des contenus et de référencement dans les moteurs de recherche. Un troisième exemple, je recherche un programme de un programme qui est financé par un réseau européen qui s'appelle MOFIP. Donc je tape MOFIP dans Google une fois de plus. Donc là, c'est vraiment la recherche généraliste. Hein, on utilise des outils de tous les jours pour vérifier ce référencement. Et là, de la même façon, je ne vais pas trouver le site de MOFIP dans les premiers résultats du moteur de recherche. Je vais trouver un premier résultat qui parle de ce programme, un deuxième sur une URL que je vous demande d'observer ici, et ensuite, vous ne voyez pas, donc c'est une... MOFIP est un programme qui est porté par la Maison Méditerranée des Sciences de l'Homme. Enfin, en tout cas, il est hébergé, ce programme est hébergé chez eux. Et donc la première URL qui va arriver sera mediamed.mmsh, qui est un autre site. Ensuite on a encore un site. Ensuite on a un autre site de la MMSH, qui est un site d'un laboratoire dans lequel certainement des collègues du laboratoire sont impliqués. Et le véritable site, véritablement la page d'accueil du site de ce programme de recherche arrive en 1, 2, 3, 4, 5e position, qui est ici. Nous n'avons pas d'identifiant clair sur lisible par un être humain de sur quoi donne cette page, puisqu'on a page-default. Alors, il faut savoir que statistiquement, la grande majorité des internautes qui font une requête dans Google ne descendent pas au-delà de la deuxième réponse. Ils ne cliquent jamais sur la troisième réponse. Donc la majorité ne clique pas sur la troisième réponse. Donc là, on est en 5e position. Donc on a clairement un problème de référencement et de positionnement dans les moteurs de recherche. En règle générale, si on n'est pas positionné sur un mot-clé, un nom qui est trop proche d'un mot du vocabulaire courant et qu'on a fait correctement son référencement, MOFIP, ça n'existe pas tellement dans la nature. D'ailleurs, on n'a pas de concurrent direct de MOFIP affiché. On a d'autres sites issus de la même institution qui ont cannibalisé par défaut de référencement la page d'accueil du site en question. Et là, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas aller sur le site. Voilà. Je vais encore baisser les volets, parce que si les gens voient mal et que tu as beaucoup besoin d'aide. Plus avec un petit zoom derrière. Grossir un peu plus. D'accord. Bon, là, on va agrandir la police. Donc, vous voyez qu'en haut, là, je ne peux pas agrandir ça. Hein. En haut à gauche, dans la barre de titre, ce qu'on appelle la barre de titre du navigateur, on arrive sur un site qui s'appelle page default. Donc ça, c'est clairement un problème de référencement, un problème de métadonnées mal formées. Et on va essayer de voir pendant ces 2 heures... On ne peut pas grossir l'affichage de la barre de titre. J'ai changé la résolution de l'écran. Ouais. Vous prierez avec moi pour que ça ne fasse pas tout planter. Mais tu peux parler pendant ce temps, sinon je me sens... D'accord. Donc voilà pour ces 3 exemples, j'espère que c'est assez clair sur les problèmes que ça peut représenter. Voilà, vous voyez même. Donc là, on va passer sur Donc voici le plan du coup. On va essayer de faire ça en 3 parties. Des définitions, des raisons pour agir et des métiers, des niveaux de référencement et les lieux de référence, c'est-à-dire les lieux... du web et de l'internet où l'on peut se rendre pour se faire référencer. Donc qu'est-ce que le référencement? Pour moi, il n'y a pas vraiment de définition précise de ce qu'est le référencement, et ça va changer suivant les contextes de travail, de ce qu'on peut faire sur le web. Moi, j'aime bien la définition de Wikipédia, parce qu'elle est simple et elle parle de la nature du web, en fait. Ils disent tout simplement, sur Internet, faire un lien d'une page A vers une ressource B, c'est y faire référence, et donc référencer la ressource B depuis la page A. C'est aussi simple que ça, et c'est la question centrale qui nous occupe en tant que développeurs de ressources scientifiques de sciences humaines et sociales, c'est la référence de A vers B. Dans les bibliographies, on fait des références de A vers B. Dans les notes de bas de page, on fait des références de A vers B. Et donc, la question de la citabilité qui va conditionner le travail de référencement pour des gens qui sont préoccupés par les citabilités des ressources électroniques scientifiques. Ça doit être, dans la nature même de ces ressources, elles doivent porter en elles-mêmes leur propre citabilité. Le référencement, ça va être donc un ensemble de techniques et de méthodes employées pour permettre à la meilleure diffusion possible des contenus que vous produisez sur le web. On va parler aussi de Search Engine Optimization, une optimisation pour les moteurs de recherche. C'est ce qui ressort le plus souvent, ce sera une grosse partie de l'intervention dans la troisième partie. C'est comment se faire référencer au mieux dans les moteurs de recherche, comment éviter ce qu'on vient de voir au début du cours. Et donc, le mot-clé pour ça, c'est SEO, Search Engine Optimization. C'est un ensemble de techniques qui permettent d'arriver en tête, et pas toujours d'ailleurs, des résultats d'un moteur de recherche comme Google. Et il y a beaucoup de gourous de l'optimisation pour les moteurs de recherche, et il y a beaucoup d'agences qui vous font payer très cher des conseils assez simples que l'on peut trouver en lisant les documentations techniques que proposent tous les moteurs de recherche. Pour moi, le référencement, c'est aussi distribuer un marque-page en début d'intervention. C'est aussi ne pas oublier le monde analogique, ne jamais se focaliser uniquement sur le monde numérique. Donc, pourquoi agir sur le référencement? Alors, une première loi, c'est la loi de Moore. C'est un ingénieur qui a postulé en 1965 que la puissance des semi-conducteurs allait doubler chaque année à coût constant. Cette loi se vérifiera en partie jusque dans les années 2000, au milieu des années 2000. En fait, la puissance des semi-conducteurs va doubler tous les 18 mois. C'est important, Moore, c'est un des fondateurs de Intel. Donc, la conséquence de tout ça, de ce paramètre, c'est que la masse d'informations disponibles grâce aux outils informatiques va exploser. Donc ici, je vous donne des chiffres d'idée de la taille du web. Donc en 98, Google indexe 26 millions de pages. En 2008, c'est 10 puissance 12 URL qui sont indexées par Google. Donc on voit une croissance qui est comparable à celle de la taille de la puissance des semi-conducteurs. On peut stocker autant d'informations. Il y a une société qui se charge chaque année, à la rentrée, au mois de septembre-octobre, de faire un recensement des noms d'hôtes. On va dire par abus de langage des sites web, mais ce n'est pas exactement le nombre de sites web, des host names. Le dernier recensement de cette société qui s'appelle Netcraft recense 225 950 957 sites web. Plus ou moins, ça donne une idée de la vastitude du web aujourd'hui. Là, je parle du web. Il faut toujours qu'on ait bien à l'esprit que Internet n'est pas le web. Et que Google non plus n'est pas le web. C'est une idée de ce que le moteur est capable d'indexer. En vérité, il n'indexe pas la totalité du web, il ne peut pas le faire, et ce n'est pas dans ses intentions, puisque c'est une entreprise commerciale. Donc il y a une partie du web qui sera invisible, ce qu'on appelle le web invisible. Et donc la taille de l'index de Google n'est pas représentative totalement de la taille du web. Le web fermé, le web qui nécessite l'entrée avec des mots de passe, n'est pas indexé par Google, ou en partie, on verra peut-être tout à l'heure, pour certaines parties, les contenus qui sont produits par des plateformes de revues. Donc voilà pour une idée d'ordre, de grandeur de la taille du web. Une autre loi, c'est la loi de Moore. Moore est un ingénieur de sciences de l'information, il postule qu'un système d'information ne sera pas utilisé tant qu'il apparaîtra à l'utilisateur plus pénible d'obtenir l'information grâce à ce système que de ne pas l'avoir. Hein, c'est la loi du moindre effort vérifiée par rapport à la communication. Et il ajoutera dans un autre article que j'ai trouvé dans la référence ci-dessous, que l'utilisateur souffre d'obtenir trop d'informations. C'est troublant et ça fait souffrir. Ça remet en question ses compétences. Hein. Quand on va trouver une information qui va bouleverser nos méthodes de travail, pour un chercheur, quand il va trouver une référence qui va invalider ce qu'il a conclu précédemment dans un autre article, ça va poser un problème. Donc cette information, elle est douloureuse. Donc nous, en tant que producteurs d'informations, hein, aujourd'hui on parle du point de vue du producteur de l'information, il va falloir qu'on passe, qu'on rende tout ça moins douloureux et que l'on essaie de travailler à la fabrication de systèmes d'information qui soient agréables pour l'utilisateur. Que l'expérience utilisateur, comme on dit maintenant dans les sociétés, de l'Internet, soit une expérience formidable et qui donne des résultats satisfaisants. Donc là, je cite j'ai repris la logique d'un livre de Peter Morville, qui a travaillé sur la findability. Hein, c'est un peu aussi ça, le référencement. C'est donner à nos ressources électroniques la capacité d'être trouvées. Ça n'a pas été traduit en français. La findability, c'est la trouvabilité, on dira. Donc lui, il travaille sur aussi non seulement la nature de l'information, mais aussi l'ergonomie. L'ergonomie des objets électroniques et des numériques. Je ne vais pas passer sur le visage. Il y a un autre livre que j'ai utilisé aussi pour préparer cette intervention, qui est lié à l'ergonomie des sites web, mais le titre est parlant, et ça parle de la loi de précédemment utilisée de Moores. C'est « Je ne veux pas chercher » de Steve Cook, un best-seller pour les webmasters qui sont chargés de fabriquer des sites web. Le titre en anglais, c'est « Don't make me think ». Et c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire faites en sorte que vous pensez à vos utilisateurs, faites en sorte qu'ils puissent vous trouver facilement. Ne les faites pas trop réfléchir. Hein. On rappelle que tout à l'heure, au-delà du troisième résultat du moteur de recherche, dans la première page de résultats, la majorité des internautes ne descendent pas, en fait. Il y a une autre problématique sur la confusion des documents, hein, dont a parlé Marin dans un billet de Globo Numericus. La confusion de ce qu'est l'Internet, le web, et de ce qu'est aujourd'hui Google par rapport au web. Hein. J'ai cité des chiffres. Pour moi-même, j'utilise la taille de l'index de Google pour parler de la taille du web. À l'IFPO, récemment, j'ai réparé la connexion Internet d'un collègue chercheur et en bon référenceur, comme page par défaut de son navigateur sur Firefox, j'ai mis le site de l'IFPO. Et il est venu me voir un quart d'heure plus tard en me disant « J'ai plus Internet, est-ce que tu peux venir me remettre Internet ?» Alors je suis allé le voir, je lui ai dit « Comment ça, je viens de te remettre la connexion ?» Et il me dit « Mais regarde, j'ai le site de l'IFPO, je ne peux aller nulle part. » Donc, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait que je lui remette Internet, il voulait que je lui remette Google comme page d'accueil par défaut de son navigateur. Et donc, comme beaucoup de gens, et moi je me suis surpris à le faire récemment, et je pense que vous êtes plein à le faire dans la salle, je saisis des URL dans le formulaire de recherche de Google. Je ne les tape plus dans le formulaire en haut, une fois. Alors je me force, je me dis non, parce que c'est ce que dit Marin à la fin de son article, réveillez-vous. Donc, il y a une confusion volontaire, on peut penser, hein, parce que dans Chrome, le nouveau navigateur de Google, il n'y a plus de barre de recherche, hein, on tape les recherches directement dans la barre d'adresse. Je vais montrer parce que c'est pas sûr que c'est ça la barre d'adresse. Donc si on connaît l'adresse d'un site web, on est censé taper l'adresse ici. Ici, on a la barre de recherche. Souvent, les gens tapent des adresses là. Ou alors, quand ils ont Google comme un moteur de recherche comme page d'accueil, ils vont saisir toutes les informations. Tout l'accès au web se fera à travers le moteur de recherche. Donc c'est un problème. Hein, d'éducation et on est dans un contexte là on est dans un contexte de recherche, il ne faut pas hésiter à expliquer gentiment aux collègues que tout ça est différent, qu'ils ont intérêt pour optimiser leur recherche à ne pas utiliser le navigateur comme ça, même si ça semble être un mouvement un peu inexorable. Voilà. Donc, Peter Morville dira en conclusion, vous êtes des êtres sociaux, il en va de même pour l'information, ça c'est très important. La définition de Wikipédia qui définit le référencement comme faisant un lien de A vers B, ça définit aussi une relation sociale, et on constate que le web prend une plastique sociale de plus en plus forte. On a 200 millions d'utilisateurs de Facebook, on a des réseaux sociaux qui se développent, des outils de microblogging qui ont un aspect social comme Twitter, où les gens se suivent, et on a parlé de la communication, de la discussion scientifique permanente, etc. Donc ça, c'est très important d'associer la nature de l'information avec la nature des êtres humains qui font partie du réseau qui alimente et qui crée cette information. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les lecteurs, ils sont bien là, ils existent. Quand on produit des ressources électroniques, on ne les fait pas pour nous. Hein, il n'y a pas d'écrivain, il n'y a que des lecteurs pour paraphraser un collègue formateur qui forme les jeunes doctorants à l'écriture d'articles pour les revues anglo-saxonnes. C'est la même chose quand on met en ligne des ressources électroniques. Il faut bien penser qu'elles sont produites pour quelqu'un. Donc qui sont ces lecteurs? Si vous voulez référencer correctement ces ressources, il faut identifier votre public auprès de qui vous voulez à qui vous voulez vous adresser. Ensuite, de quoi ont besoin vos lecteurs? Donc, en contexte de recherche, et je vais répéter ça tout au long de l'intervention, ils ont besoin de pouvoir vous trouver, ils ont besoin de pouvoir vous lire de façon ergonomique, et ils ont besoin de pouvoir vous citer. Et c'est la citation, c'est toute la problématique des URL, la problématique des identifiants pérennes, et de l'interopérabilité, c'est-à-dire de la capacité des outils informatiques à communiquer entre eux. Ils ont aussi besoin de suivre votre actualité régulièrement et donc que vous mettiez en place des outils qui permettent à vos ressources électroniques d'aller vers eux avec des formes spécifiques d'interopérabilité comme le RSS qui a été évoqué à plusieurs reprises qui permet de diffuser de l'information automatiquement d'aller vers les lecteurs. Il faut aussi ne pas oublier que vos lecteurs, en vous citant, ils seront vos meilleurs prescripteurs de lecture auprès d'autres lecteurs. Et donc la citabilité, la nature citable de vos ressources électroniques va permettre cet effet d'entraînement qui va diffuser au mieux vos contenus. Il va falloir que vous identifiez vos intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui vont prescrire aux autres de lire ce que vous avez prévu, ce que vous avez produit, pardon. Donc ça va être l'identification des lieux de référence que l'on verra plus tard, vous conformer à certaines pratiques pour les intégrer. C'est aussi ne pas oublier la valeur de l'institution dans laquelle vous évoluez. Hein. Nos institutions, on a plutôt l'habitude d'avoir un peu un regard iconoclaste ou un peu négatif sur nos institutions. Mais il ne faut pas oublier que le CNRS, par exemple, est une des institutions qui a un des rares privilèges d'avoir un page rank, c'est-à-dire une notation par Google très élevée. Qui donne à toutes les URL en CNRS.fr une valeur qui est très importante. Donc il y a de la valeur, nous avons des richesses qu'il faut exploiter dans nos institutions. Le nommage, en ce sens, est important. Il faut aussi savoir déléguer. Je ne suis pas sûr que les cahiers de l'ANR sont bien logés sur le site de l'ANR. Ils auraient peut-être dû s'adresser à une plateforme pour faire cette publication. Ou à une infrastructure à même de mieux diffuser leur contenu. Il faut savoir ne pas vouloir faire sa petite revue tout seul dans son coin, ou d'arrêter de numériser en mode image des PDF qu'on va mettre au fin fond du site web de son laboratoire, après avoir travaillé des années sur cette question. Ça ne va pas permettre une valorisation correcte de ces ressources électroniques. Ça va être du travail perdu, c'est-à-dire du web visible. Vous avez bien vu que on devient très vite, on bascule très vite dans la partie invisible du web, puisque au-delà des deux premiers résultats du moteur, on va disparaître si on n'a pas veillé à un référencement correct. Donc il ne faut pas oublier que tout ça représente un écosystème documentaire. C'est un véritable écosystème d'information aujourd'hui sur le web. Et il ne faut pas oublier les interactions et identifier le contexte. Donc notre contexte à nous, ce sont les sciences humaines et sociales, et il y a des acteurs institutionnels. Ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à faire des choses de façon indépendante, au contraire, mais on doit aussi les penser dans ce contexte-là. Il y a une infrastructure pour les humanités numériques qui est en train de se constituer au niveau mondial, il n'y a pas que les Gaulois, les Américains aussi, et il y a un certain nombre d'acteurs qu'il faut identifier, et vous, pour référencer au mieux vos ressources électroniques, vous allez devoir parfois déléguer le travail de mise en ligne, ou déléguer le travail de référencement à ces acteurs. Il ne faut en oublier aucun. Vous allez avoir besoin aussi d'identifier votre communauté, hein. C'est identifier vos lecteurs, mais dans quelle communauté de lecture vont-ils s'inscrire? Ça c'est très important de savoir où on a vu des tas d'outils depuis le début de la semaine, quand on a vu la conférence de Millet Douai, il nous a montré des réseaux sociaux dédiés aux philosophes. Moi je ne connaissais pas. Et j'ai vu en tweetant que des collègues qui sont dans la philosophie ne me connaissaient pas non plus. Donc c'était des communautés en cours de constitution qui n'étaient pas identifiées ou mal identifiées. Donc ça, c'est très important de reconnaître cette communauté. Nous sommes réunis toute la semaine en communauté et j'aimerais vous faire des propositions pendant ce cours pour que cette communauté continue d'exister sur la problématique du référencement. Il y a un nouveau paramètre, c'est quand même nouveau pour nous, hein. Moi quand je suis entré au CNRS, on en parlait doucement, et puis maintenant c'est devenu central, hein. C'est l'évaluation. L'évaluation par nos tutelles, mais aussi par des organismes qui sont indépendants de nos tutelles et qui vont au niveau international classer ce qu'on produit, classer les institutions qui nous portent. Dans lesquels nous sommes, que nous portons plutôt, dans lesquels nous travaillons. Donc la dernière que j'ai eu connaissance, c'est Webometrics. C'est un classement qui est là pour le coup, il faut bien être attentif à son référencement, puisque c'est un classement qui va évaluer les institutions de recherche par rapport à leur capacité de présence sur Internet. Voilà, donc mieux on est référencé sur le net, mieux on est présent, mieux on s'est présenté sous notre meilleur jour et meilleur sera notre classement dans ce classement. Ça a l'air comme ça, quelque chose d'anecdotique, ça l'est pas du tout. Moi j'ai été alerté sur ce classement par des messages que j'ai reçus, des forwards de mail, et on voit que dans les ministères, les gens, dans les ministères au niveau juste en dessous du politique, c'est-à-dire ceux qui déjà injectent des crédits dans nos institutions, sont allés voir ce classement et le discutent. C'est très important. Donc il y a la bibliométrie aussi, je cite Arzim, mais il y en a d'autres, hein, tous les outils bibliométriques qui sont toujours pas en conformité avec ce qu'on peut faire sur le web, hein, qui nous indexent mal, parfois parce qu'ils utilisent des catégories qui sont plus celles du monde du web, mais Arzim par contre ça n'est pas le cas, ce qui va prendre de plus en plus d'importance, d'où l'importance d'être dans le DOI par exemple aussi, pour avoir une existence officielle institutionnelle dans l'espace éditorial scientifique. Il y a des mesures d'usage, hein, par les intermédiaires, donc on identifie les intermédiaires, mais les gens qui vont acheter nos ressources, qui vont s'en occuper pour les médiatiser auprès des lecteurs en bibliothèque par exemple, les collègues bibliothécaires, ils sont dans cette problématique de l'évaluation des ressources électroniques que nous produisons. Ils vont organiser un colloque bientôt là-dessus, et donc on voit très clairement que les interventions, analyser les traces d'activité pour évaluer les ressources électroniques. Ils vont essayer de savoir si ils utilisent vraiment nos ressources pour continuer à les acheter si on les vend, mais aussi pour continuer à les valoriser dans leur catalogue si elles sont en libre accès. Donc on voit que c'est une véritable problématique, c'est rentabiliser le travail des bibliothécaires. Il y a 2 ans, quand on a commencé à discuter de la question de l'open URL au Cléo, hein, c'est une forme de l'interopérabilité des contenus pour offrir de la recherche contextuelle aux utilisateurs des catalogues de bibliothèques. Un collègue américain bibliothécaire m'a écrit « Nous, on adore Revue.org, mais moi, mon travail, c'est d'aller vite et c'est de rentabiliser l'accès, de donner un accès rapide à mes utilisateurs. J'ai un problème avec les ressources qui sont uniquement référencées sur le web généraliste, c'est que je ne peux pas les intégrer facilement dans mon intranet documentaire qui m'a été vendu par une société très chère. Donc là, je vous donne une référence, Christine Cosmopoulos et Denis Fumin dans Cyberjo qui a travaillé sur la question de la bibliométrie. C'est intéressant de savoir comment ça marche. Ici, Scholarlystat, c'est un intermédiaire, un nouveau tiers de confiance sur la certification des statistiques d'usage des ressources électroniques achetées par les bibliothèques ou les universités. Donc le travail de référencement, ça va être un travail où il faudra impliquer tous les acteurs. Ça n'est pas le travail que du webmaster. D'ailleurs, le webmaster, ça n'existe pas en vérité. C'est quoi le métier de webmaster? Au CNRS, nous avons les rédacteurs concepteurs de sites web, dans les BAP, hein, nous avons des branches d'activité professionnelles. Le webmaster, ça peut être l'informaticien dans certains laboratoires qui va gérer les serveurs. Ça peut être le webmaster éditorial qui va s'occuper uniquement du contenu. Ça peut être des profils très hybrides qui vont intervenir sur tout ça. Donc tous les acteurs du référencement, ce vont être tous les gens qui sont à même de participer à porter le projet de mise en ligne. Donc ça concerne les documentalistes, hein, qui sont spécialistes des métadonnées quand même. Il faudra leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent de la façon dont les métadonnées sont structurées. Par exemple, ça va être les chargés de com, s'ils font du référencement. Hein. Donc ça veut dire que le référencement, il doit être intégré dès le début du projet, puisque tous ces acteurs seront là au démarrage du projet, qu'il y aura des choix à faire en termes de référencement, des choix techniques, des choix documentaires, des choix éditoriaux et des choix de communication. Et que si on a fait des mauvais choix au départ, on va arriver à des problèmes à la fin, comme on a vu au début de cette intervention. Si on a mal choisi son URL, et on est bien embêté pour la changer après. C'est compliqué une fois que tout ça a été indexé dans des moteurs de recherche, dans des bases de données, et compagnie. Une fois qu'on a mal choisi cet identifiant, ça va poser des problèmes aussi. Donc, il faut absolument pouvoir réunir tous les acteurs dès le début de la constitution d'un projet autour du référencement. Donc le référencement, ce n'est pas une question d'informatique. Il ne faut pas laisser les informaticiens tout seuls avec le référencement. D'ailleurs, si ce sont des informaticiens intelligents, ça ne les intéressera même pas. D'où, parfois, que certaines ressources électroniques sont publiées en ligne avec des pages en default partout sur un site, puisque ce n'est pas le travail de l'informaticien de dire « mais pourquoi là, je n'ai pas de page de titre ?» Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est que le CMS, le gestionnaire de contenu qui publie le site, fonctionne correctement. Enfin, ce n'est pas son travail. Tout ça est à géométrie variable, mais donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le contenu qui compte toujours. Ce n'est pas les outils, ce n'est pas les gadgets, ce n'est pas suivre à la ligne tous les gourous de l'optimisation pour les chercheurs, le contenu du référencement pour les moteurs de recherche. Il faut vraiment être attentif au contenu et la façon dont vous allez l'emballer. Ça, c'est très important. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le monde analogique, distribuer les marquages, mais c'est aussi, on a vu qu'il y a des problèmes d'évaluation, des questions d'évaluation. Si vous faites une revue en ligne, ce qui va améliorer son référencement dans la communauté, c'est que vous vous dotiez de guides de style, de procédures de sélection, d'un véritable comité de rédaction, et comme dans le vrai monde du papier. Ça ne doit pas changer. Ne perdez pas vos catégories. Le référencement, souvent, est là pour récupérer des bêtises faites. On a perdu ces catégories en passant en ligne. C'est la problématique évoquée aussi par le livre a disparu, alors on ne sait plus comment nommer les choses, ce qu'on a fait en ligne, c'est une difficulté du nommage. Donc les acteurs qui se retrouvent autour des projets, ce qui est important aussi, c'est qu'on essaie d'inventer ensemble des nouveaux métiers. Le métier de référenceur, je ne pense pas qu'on puisse à l'échelle d'un laboratoire se payer le luxe d'avoir un référenceur à 100%, mais en tout cas c'est une activité qui pourrait rentrer dans une branche métier. Et ça peut être une des tâches de certains profils. Et les acteurs réunis autour d'un projet web doivent être réunis en tant que porteurs de métier aussi, d'identité de métier. Donc qu'on va passer à la deuxième partie, qui est les niveaux du référencement. Donc, on a vu qu'il y avait les moteurs de recherche, il y a des acteurs multiples, et donc il va y avoir des niveaux de référencement qui vont parfois s'empiler, qui vont parfois être concurrents, ou dans lesquels on ne va pas agir de la même façon. Donc on parle d'égo-référencement, par exemple. Il y a un inventeur à côté de moi du terme, de l'égo-référencement. En tout cas, je n'ai pas trouvé trace à lire sur le web visible de Google. Ça va être tout le travail que vous allez, en tant qu'individu, toute la gestion de votre identité numérique. L'égo-référencement, c'est la mauvaise réputation. Si c'est pas contrôlé de façon... Si vous avez choisi d'investir votre identité sur le web, vous allez devoir, une fois que c'est parti, c'est terminé. C'est comme un bateau qu'on lance à l'eau, un bateau à voile, vous êtes obligé de le piloter, on ne peut pas dire on s'arrête en pleine nuit avant d'arriver au port suivant. Et là, l'océan est immense et donc vous allez devoir gérer le référencement de votre identité numérique tout au long de la vie. C'est le référencement tout au long de la vie. C'est votre référencement d'un copain d'abord, d'un copain d'avant, pardon, les copains d'abord c'est autre chose, dans Facebook, dans tous les réseaux sociaux que vous allez pouvoir investir. Mais au niveau de votre institution, l'égo-référencement de l'institution, il existe aussi. Hein. Ça va être le choix ou non d'aller créer la notice de votre laboratoire dans Wikipédia. Il faut vous poser la question de savoir si vous devez le faire ou pas. Vous devez vous poser la question si votre institution doit être référencée en tant que telle dans certains répertoires ou dans certains sites qui sont importants pour le retour dans les interrogations dans les moteurs de recherche. Il y a des niveaux qui vont vous dépasser totalement. C'est là que je disais aussi tout à l'heure, ne pas publier tout seul dans son coin. Il y a des opérations de référencement, que moi j'appelle le référencement industrialisé, que vous ne pourrez pas réaliser tout seul. Ça n'est pas possible de gérer tout seul un dépôt OAI correctement. Il vaut mieux confier ça à un tiers, c'est-à-dire confier votre publication à quelqu'un qui va mettre en œuvre tous les standards de référencement industriel, qui va pouvoir vous permettre de faire de l'amphisme. Ça, donc une question d'entrer dans des univers documentaires qui utilisent ces technologies. Hein. Donc, si on veut rentrer dans Wyster, il faut avoir un dépôt AI. Si on n'a pas de dépôt AI dans un lab et qu'on a une publication dans un labo qu'on a fait dans son camp, on ne pourra jamais rentrer dans Wyster. Si on a choisi une plateforme, KRC, Cairn, Revue.org ou d'autres encore, on pourra rentrer. Par forme d'interopérabilité grâce à ce protocole dans le moteur de recherche scientifique Wyster. Donc c'est les lieux de référence, votre entrée dans les lieux de référence va être conditionnée par vos choix d'adhésion et de développement de vos projets. J'en reviens à l'URL. Ici je cite un texte de Tim Berners-Lee qui est une faute d'ailleurs. Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, est traduit par Karl Dubost sur son blog Lagrange.net. Donc, le problème de l'URL qu'on a vu au début de ce laboratoire, Tim Berners-Lee, en 98, il dit qu'une URL sympa, c'est une URL qui ne change pas. Celle-là, elle va devoir changer un jour. C'est obligé. Donc il part du URI, ensuite une URI c'est un identifiant unique, hein, une URL est une URI peut être une URL. Une URL est une URI. Uniform Resource Identifier. Donc une URI sympa, il me dit elle ne change pas, quels sont les types d'URI qui changent? Et il dit les URI ne changent pas, ce sont les gens qui changent, qui les changent. Et les gens changent d'ailleurs, parce que le directeur l'a changé. Donc en 98, l'homme qui a inventé le web le dit, et ça reste vrai aujourd'hui, arrêtez de jouer avec les URL. C'est vraiment quelque chose de vital pour des gens qui produisent des ressources scientifiques. C'est pas toujours possible et c'est plutôt une obligation de pas une obligation de moyens mais une obligation de résultats. Ouais, il faut se donner les moyens d'arriver à... J'arrive jamais à dire ce truc. Ce qui veut dire que on revient à la question des identifiants, hein. Les ressources électroniques scientifiques ont besoin d'avoir des identifiants pérennes et stables. On avait les ISBN, les ISSN, on va avoir les ISSNL, on a les URL. Les URL sont instables, mais si les gens décident de ne pas les changer, reste sale. Quand même. Après, il peut y avoir des problèmes techniques qui font que. Mais autant que faire se peut, le DOI dont on a parlé en atelier, en cours, est un identifiant qui a vocation à être pérenne. Je vous renvoie pour la question des identifiants pérennes à Emmanuel Bernès, hein, qui est la personne qui est l'auteur d'un blog sur les confitures de figues et la bibliothèque, qui s'appelle Figoblog, et qui parle très bien de la question des identifiants pérennes. Et elle évoque aussi la question de ces identifiants dans le contexte des bibliothèques, en parlant de son travail à la Bibliothèque nationale de France, avec ARC, qui est une autre problématique que celle des éditeurs en ligne. Parce que là, ce sont les gens qui ont encore un lieu de référence, qui sera Gallica, la BNF, Européana. Donc sur la question des identifiants, je voulais dire que ce dont vous avez besoin, donc au tout début d'un projet, on a vu, c'est une charte de nommage. Maintenant, si vous recherchez dans un moteur de recherche généraliste, on trouve facilement, par exemple, la charte de nommage du gouvernement français, hein, l'atelier de modernisation du gouvernement français, et il y a une charte de nommage et qui explique comment on va appeler telle chose. Nommer ses dominés, dit Marin déjà plusieurs fois pendant les dernières interventions. Si on s'était réuni avec le directeur du labo et puis qu'on lui sort une charte de nommage, il va dire mais moi je veux que le nom du labo ce soit ça. On lui dit mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il va le comprendre, je suis sûr qu'il aurait compris si on avait expliqué. Mais comme il y a une carte de repère avec Internet et qu'il est très content de ce qu'il fait, ben voilà, il n'y avait pas de frein, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait aucune recommandation d'une bonne pratique auquel il pouvait se confronter pour réfléchir avec ses collègues. Donc il y a tout un ensemble de standards et de protocoles et de formes d'interopérabilité qui vont être permises par l'adoption de ces protocoles dans lesquels vous devez vous inscrire et qui permettent d'optimiser le référencement, qui permettent de faire en sorte que le référencement soit une réalité. Donc ici j'en ai cité quelques-uns, vous en avez vu hier certainement certains avec Stéphane, on a parlé de l'OAI hier avec l'Open Access, donc certains de ces protocoles, de ces formes d'interopérabilité, il faut vous les approprier, il faut vous approprier ce vocabulaire pour que vous puissiez faire des choix dès la constitution des projets, voir si le projet, le cahier des charges du projet rencontre les standards de la communauté. Au niveau mondial aujourd'hui, l'OAI-PNH est devenu un standard de facto. Si on fait une archive ouverte dans son laboratoire, ou dans son institution, il faut qu'elle soit conforme au protocole OAI-PNH, sinon ça n'est pas une archive ouverte et elle ne pourra pas communiquer avec des outils de recherche scientifique. Donc il y a bien une infrastructure pour la recherche en sciences humaines, une infrastructure numérique qui se dessine, même si des fois on a des difficultés à en saisir la réalité, mais elle existe et il y a des sous-bassements techniques, technologiques à cette infrastructure qu'il ne faut pas oublier. Alors ce que j'ai fait sur le wiki de l'université d'été dans le programme, chacun a sa page, donc sur la page de mon intervention, j'ai listé un certain nombre de bonnes pratiques que je vous propose en vérité. C'est une proposition. Hein. Si on en discute ensemble, peut-être que certaines pourraient être invalidées ou modifiées. Donc c'est un appel à constituer une communauté SHS qui serait intéressée par ces questions et qui pourrait définir ensemble des bonnes pratiques que l'on pourrait intégrer dans nos cahiers des charges, que l'on pourrait intégrer. Ressortir à nos décideurs. Hein. L'idée de cette intervention, c'est de vous convaincre de l'intérêt du référencement, mais c'est de vous donner des outils pour convaincre les collègues et les responsables de projet, enfin, les chefs, les directeurs de labo, vos responsables hiérarchiques. Donc ici, voilà, une série de recommandations que je vous propose et qui sont modifiables directement sur le wiki si vous créez un compte. Je ne vais peut-être pas les lister maintenant. Je ne sais pas. Donc, des fois, ces recommandations sont plutôt techniques. Hein. Quand il dit adopter une URL canonique, ça va être plutôt technique. Et des fois, ça va être des choses qui ont l'air d'être du bon sens, mais qui ne font jamais de mal à être répétées ou à être écrites. J'ai repris des choses que j'ai trouvées aussi dans des recommandations pour leur référencement ou dans des gestions de projet sur Internet. Donc on en vient au lieu de référence, ce sera la plus grosse partie de cette intervention, parce qu'on va redescendre dans les questions de technique par rapport au moteur de recherche. Les lieux de référence, eh bien, c'est à vous de les identifier, hein. Ils vont être parfois spécifiques à vos projets, surtout en ce qui concerne les bases de données spécialisées. Au Cléo, on a toujours demandé à nos nouveaux adhérents de nous signaler les bases spécialisées dans lesquelles ils souhaiteraient voir leurs revenus indexés. C'est pas toujours facile de rentrer dans ces bases. D'autre part, certaines bases démarchent directement les revues en micro-circuitant, donc les revues en général nous avertissent, et donc nous négocions avec elles pour cette indexation. Parce que le problème ici, par exemple, pour rentrer dans un lieu de référence qui serait une base de données documentaires, c'est que certaines bases de données documentaires vont vouloir reproduire l'intégralité des contenus que vous avez déjà produits à un endroit et vont créer une nouvelle forme de citabilité de votre ressource électronique. Et ça, c'est pas bien. Ça pose un problème, en tout cas. D'autant que ça va diviser par autant de consultations le trafic qui a lieu sur votre site internet, votre site web, s'il est ouvert. Donc nous avons les moteurs de recherche généraliste, les annuaires qui sont en perte totale de vitesse et qui n'existent quasiment plus, mais qui gardent encore une petite importance. Les moteurs de recherche scientifique, donc quand on dit les bases de données, il ne faut jamais oublier les catalogues de bibliothèques. C'est la postagada. C'est la postagada. Parce qu'on sait que vous êtes de plus en plus fatigués. On essaie de vous garder vivant encore pour les excellentes conférences avec l'accord de Jean-Christophe. Par les moteurs de recherche généralistes. Donc il y a presque 10 ans, il y avait une vingtaine de moteurs de recherche généralistes. Aujourd'hui, il y a une concentration de cette activité au sein de trois acteurs principaux, c'est Google, Yahoo et Bing. Bing étant le nouveau moteur de recherche de Microsoft qui ne sait plus quoi faire pour trouver enfin une solution pour concurrencer Google sur ce terrain-là. La dernière évolution de tout ça, c'est que Yahoo et Google s'allient et qu'on devinerait peut-être une disparition du moteur de recherche Yahoo au profit de Bing. C'est pas encore fait, on sait pas, ça peut tout peut changer, tout bouge. En tout cas, ce qui est sûr, et ce qui nous intéresse à nous en tant que producteurs de ressources électroniques scientifiques, c'est que Sherif Aboukassem l'a bien expliqué dans son intervention. Elle a fait une enquête sur les usages des chercheurs. Qu'est-ce que fait le chercheur? C'est comme mon chercheur tout à l'heure qui ne peut plus aller sur Internet quand il n'a plus Google comme page d'accueil par défaut de son navigateur, eh bien, ils recherchent dans Google, ensuite ils vont dans Wikipédia, et ensuite ils vont dans des bases de données spécialisées, dans des moteurs de recherche spécialisés. Donc, le chiffre que je cite ici, c'est donc 64,7% des parts de marché aux USA, c'est Google qui domine, mais la majorité du trafic qui vient des moteurs de recherche, et parfois la majorité du trafic sur votre site web, ça va être le trafic qui vient de Google. Donc évidemment, on ne dit pas non à Google, on va essayer de se conformer à un certain nombre de recommandations de la part de Google. Et ces recommandations ne vont pas nécessairement aller dans le mauvais sens, souvent elles vont aller dans le sens de bonnes pratiques, et de toute façon elles vont vous forcer à vous poser la question sur la structuration de vos métadonnées, et sur le renseignement minimum d'un certain nombre d'informations dans le code HTML de vos pages. Donc, ici on voit hein, c'est un schéma de représentation des relations entre les moteurs de recherche qui est assez ancien maintenant, que tous les gens qui s'intéressent au référencement connaissent. Donc ça c'est aujourd'hui l'état du marché de la recherche. Donc il n'y a pas vraiment de relation, ce schéma n'a plus beaucoup lieu d'être, mais on voit quand même que Google donne des données à certains autres moteurs de recherche, et il y a des façons pour Yahoo. Il y a 10 ans, le schéma était tout autre. J'ai perdu ma page. Ah, voilà. Et on avait des relations beaucoup plus complexes avec des acteurs beaucoup plus importants. Non, je reviens, mais bon, c'est pas grave. Et le référencement passait aussi par l'entrisme dans certains annuaires pour rentrer dans d'autres moteurs. Il y avait un aspect viral du référencement dans les moteurs de recherche généralistes. C'est plus le cas aujourd'hui si on observe ce schéma, dû à... ils sont tous morts autour. En fait, il ne reste plus que trois gros acteurs et ça risque d'évoluer encore. Donc, comment ça marche un moteur de recherche ? J'ai choisi de reprendre la base, parce que je ne suis pas sûr que ce soit toujours clair pour tout le monde. Un moteur de recherche, c'est un... Il n'y a pas d'intervention humaine au cours de l'indexation des pages. Hein. C'est un automatisme. Il y a des robots, des logiciels, en fait, hein, qui vont parcourir. Et ça, c'est important. C'est ce que je disais au début, la définition par Wikipédia de ce qu'est le référencement, c'est-à-dire un lien de A vers B, mais qu'est-ce que vont faire les robots, les logiciels, les moteurs de recherche? Ils vont parcourir tous les liens d'une page, ils vont par rebond atterrir dans d'autres pages, et ainsi de suite, et ils vont parcourir comme ça l'ensemble le maximum du web pour rapatrier le contenu de ces pages dans leur base de données et créer un index. Maintenant, ils suivent les liens hypertextes qu'il y a dans vos pages, pour aller indexer d'autres pages, et ainsi de suite. Donc, évidemment, toujours l'importance de la formation de des identifiants les plus simples à utiliser au départ pour vos ressources électroniques, ce sont les URL. Il faut toujours être très attentif à la question des URL. Et là, la question des URL va être encore plus vitale, puisque meilleures elles seront, mieux elles seront formées, mieux elles seront gérées, et bien sûr, mieux les robots des moteurs de recherche vont pouvoir parcourir les pages de vos sites. Donc votre place dans le moteur, elle va dépendre d'un classement que va faire le moteur de recherche. C'est-à-dire un algorithme. Chaque moteur a un algorithme différent. On va avoir un algorithme particulier qui est le PageRank. Et cet algorithme est souvent un secret industriel. Le PageRank, pour savoir comment ça fonctionne, il y a des tas de gens qui vont vous expliquer comment ça marche. Il y a un article fondateur des deux inventeurs de Google, hein, Sergey Brin et Larry Page, qui est déposé dans une archive ouverte et qu'on peut lire, je cite dans la bibliographie de l'intervention, qui vous explique comment fonctionne ce PageRank, mais les tenants et les aboutissants profonds du PageRank, c'est un secret industriel. Donc c'est un problème pour la communauté scientifique, qui a totalement délégué dans ses usages aujourd'hui la recherche à un algorithme, en tout cas le résultat de la recherche à un algorithme dont elle ne sait pas comment il fonctionne réellement en vérité. Donc, votre classement dans les résultats va dépendre de l'application, ce que je disais tout à l'heure, d'un certain nombre de bonnes pratiques indiquées, des bonnes pratiques indiquées par les moteurs de recherche et l'utilisation de standards. Et souvent, ces bonnes pratiques vont aller dans le bon sens, pas toujours, on essaiera de le voir aussi. Donc, le PageRank, comment ça marche? Le PageRank, n'est pas la seule composante de ce qui va vous permettre d'arriver en premier dans les résultats de Google. Mais c'est quelque chose de quand même d'important, et la façon dont c'est pensé a une importance par rapport à la gestion des liens, hein, et du maillage de liens dont est fait le web. Donc c'est une des nombreuses méthodes utilisées par Google. Je ne vais pas toutes les voir, toutes les passer en revue, hein, surtout pas l'algorithme, je ne suis pas mathématicien, mais c'est un algorithme, on le voit bien là, ici, en 4. Mais le PageRank, c'est un vote que va donner une page vers une autre. Ça, c'est très important. Donc, ça ne va pas parler du contenu, hein, l'acquisition d'un PageRank, ça ne va pas donner, ça va pas parler du contenu, de la qualité du contenu, mais ça va parler de la capacité des pages à obtenir une force de vote et à d'autres à en recevoir. En fait. Tu veux ajouter quelque chose ? Non. Donc le page rank, on dit communément qu'il va de 1 à 10. En fait, c'est pas exact, mais c'est un chiffre à virgule flottant en vérité. Mais on identifie le page rank comme allant de 1 à 10. Et aller de 1 à 2 est plus facile que de 2 à 3, et ainsi de suite. Pour arriver à 10, c'est quasiment impossible. Il y a très peu de sites, hein, il y a moins de 150 sites qui ont un page rank de 10. Enfin, la veille que j'ai faite pour ce cours, j'ai trouvé un article qui expliquait qu'il y avait moins de 150 sites sur le web qui avaient un PageRank de 10. Le CNRS, www.cnrs.fr, a un PageRank de 9. Revue.org a un PageRank de 8. TF1 a un PageRank de 7. Mais TF1, comme on l'a vu hier, ils ne sont pas encore très web. Mais le jour où ils deviendront très web, ils vont peut-être avoir un PageRank beaucoup plus important. Un lien d'une page A vers une page B va attribuer, vous allez donner du page rank à cette page. Et donc, si vous avez un bon page rank, vous faites un seul lien. Le page rank est attribué à chaque page. Ce n'est pas pour l'ensemble du site. Quand je dis, c'est un abus de langage, quand on dit TF1 a un page rank de 7, chaque page d'un site web a un page rank spécifique qui est calculé en permanence. Nous, on le voit régulièrement, la mise à jour de ce page rank, mais en fait, elle est calculée en permanence. Donc, quand je vais voter, si j'ai 10 liens dans ma page, je vais diviser mon page rank en 10 vers les pages A, B, C, D, E, F, G, H vers lesquelles j'ai voté. Hein, le page rank se divise. Si vous avez une grosse capacité de donner du page rank, vous allez le partager vers tous les gens vers lesquels vous allez miser. Hein, donc le page rank, de même façon, les backlinks, hein, donc ce qui est important pour obtenir du page rank, c'est d'obtenir des liens. Les backlinks. C'est pour ça que il y a des zones de l'internet qui fonctionnent très bien comme ça, qui du coup ont une prime par rapport au PageRank. Ce sont les blogs, c'est Wikipédia. Donc sur le PageRank, ce qui était important pour moi, c'était de vous pouvez revenir à la, si ça vous intéresse. En fait, là, j'ai traduit assez rapidement la référence qui est au bas de cette page, qui il y a un article très complet sur qu'est-ce que c'est que le PageRank. Hein. Qu'est-ce qu'on sait à propos du PageRank, hein, ça veut dire bien que qu'est-ce qu'on peut savoir à propos du PageRank. On ne sait pas tout, parce qu'on est obligé de deviner, parce que c'est un secret industriel. Et qui détaille la façon dont ça fonctionne. Vous pouvez reporter à la version anglaise, qui sera peut-être plus exacte que ma traduction. Donc comment savoir ce que veulent les moteurs de recherche avant de faire le travail de référencement ou de fabrication de ces ressources électroniques? C'est pas compliqué, chaque moteur de recherche vous explique, parce que eux, ce qu'ils ont envie, c'est de vous référencer, de vous indexer correctement. Donc vous allez pouvoir vous rendre sur chacun des moteurs et lire leurs guides, qui sont souvent sur les mêmes lignées à peu près, et qui vont vous expliquer comment vous devez faire. Chez Google, c'est très très bien fait. Comment vous devez faire, il y a des forums pour ça qui vous expliquent clairement ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire pour ne pas disparaître des résultats du moteur. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de standards autour desquels s'est réunie l'industrie de la recherche. Hein, ils sont concurrents, mais parfois ils se mettent d'accord, comme la question du fichier de robot TXT, ou sitemap, ils sont d'accord entre eux pour dire que l'utilisation, on verra ce que c'est après, hein, le sitemap s'utilise de telle et telle façon et que le robot TXT peut s'utiliser de telle et telle façon. Donc tout ça est ouvert, il n'y a pas de secret, si ce n'est qu'il y a des gens qui sont investis dans l'application de ces normes, et vous pouvez aller vérifier cette information vous-même si vous avez affaire à une prestation de service pour du référencement. Il est bon d'aller voir un peu, parce que c'est souvent très bien écrit, de façon très simple en vérité. Alors une fois que vous avez lu tout ça, vous allez devoir vous poser la question, mais à quel prix je vais me conformer à toutes ces recommandations des moteurs. nous sommes producteurs de ressources électroniques scientifiques. Donc, par exemple, les moteurs de recherche adorent les URL dites sémantiques ou signifiantes. Hein, Marin les a déjà montrées. Hein, c'est des URL qui reprennent le titre, par exemple, d'un article et qui sera donné dans l'URL complètement. C'est un problème pour nous. On peut pas utiliser. Il ne faut pas utiliser ça puisque c'est des URL qui ne sont pas pérennes. Et donc on a dit que nous, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait fabriquer, ce sont des ressources électroniques pérennes avec des identifiants pérennes. S'il y a une faute d'orthographe dans le titre va changer et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un exemple de pratique recommandée par les moteurs de recherche que nous ne devons pas sacrifier au prix du positionnement dans Google. On avait testé, hein, avec l'Allemagne des sciences sociales, on avait testé la génération d'URL sémantique. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. On a arrêté très vite. Si vous vendez quelque chose sur Internet, c'est différent. Donc on va voir concrètement les métadonnées pour les moteurs de recherche. Donc les métadonnées pour les moteurs de recherche, on va les trouver dans une page web. Hein. Donc là, je vais prendre comme exemple une page d'une revue de Rôle du Point. Donc si je demande à lire le code source de la page, demander ça dans un navigateur, de voir de quoi est composé le code de la page. Il ne faut pas s'affoler, c'est du code qui n'est pas très compliqué. On peut s'y retrouver si on regarde. Il y a un certain nombre de choses qui sont faciles à identifier. Et les moteurs de recherche, eux, ils aiment un certain nombre de ces métadonnées, hein, des données qui décrivent votre page web. Et vous êtes tous concernés par... ça n'est pas de l'informatique, ça. Ce n'est pas de l'informatique, c'est de la structuration des données. C'est donc de la communication scientifique, enfin, c'est autre chose que uniquement de l'informatique. C'est aussi de l'informatique. Donc dans ce qu'on appelle le head, c'est-à-dire le HTML est fait de balises, de tags qui s'ouvrent et qui vont contenir une information et qui vont se fermer tout bas ou plus loin pour dire que ici cette information est terminée. À l'intérieur de ce head, donc de l'entête du fichier HTML de vos pages web, il va y avoir un certain nombre d'informations que les moteurs de recherche apprécient particulièrement. Et il y en a deux surtout. C'est la balise title, celle qui manquait tout à l'heure pour le programme de recherche Mofi, et c'est la balise description. Sincèrement, pour les moteurs de recherche, une fois que vous avez fait ça, pour les moteurs de recherche généralistes, ça suffit quasiment. Il y avait la grande mode des mots-clés à une époque. Aucun des trois moteurs qui dominent le marché aujourd'hui n'utilise la balise metaname ou meta keywords. Ça ne les intéresse pas. Par contre, ils apprécient beaucoup le titre de la page. Alors, ça va être conditionné par le choix technologique de votre CMS au départ, de votre gestionnaire de contenu, de l'outil qui va publier vos ressources électroniques en ligne. Si cet outil n'est pas foutu de générer des balises correctement formées d'après le contenu des pages, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir des problèmes qui sont faciles à observer. Hein, si j'écris... Ici... L'index de Google est plein de pages sans titre. Bon, là, j'ai mis CNRS à côté pour avoir des pages qui avaient un rapport avec le CNRS, donc des pages du MR, des pages du laboratoire du CNRS. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc ça, c'est un problème. Ces pages-là, elles sont perdues pour une partie de la recherche, puisque Google va présenter d'abord à l'internaute le résultat des recherches. Donc ici, on a une question de recherche naturelle, ce qu'on appelle organic search en anglais, hein, donc le référencement naturel. Donc votre référencement naturel va être troublé si vous n'avez pas donné un titre clair à votre page web. Donner un titre, c'est pas comme dans Word, j'écris mon titre en gras. Donner un titre, c'est de mettre le titre au bon endroit dans les métadonnées. Donc si vous avez fait déjà une base de données, vous avez rempli le titre au bon endroit. Si sinon vous ne pouvez pas le retrouver. Et bien là, vous dites au moteur de recherche que le titre de la page, c'est celui-là. Donc, Untitled, bien à détail, il y en a plein. Default, c'est pareil. Bah, c'est un ancien NS, mais... page default, voilà. Donc ça, ce sont des pages perdues pour... Bah voilà, ça, c'est pas fait exprès, mais... ça, c'est un exemple. Si je clique, je vais arriver sur... sur la page d'accueil d'une maison des sciences de l'homme assez importante. Et la page d'accueil de la maison ne dit pas que c'est la page d'accueil de la maison. Elle dit que c'est page default. Ça ne veut rien dire, en fait. Ils n'ont pas de, ils ne se sont pas nommés. Donc ça, c'est un problème de... Si vous ne connaissez pas un minimum de la technique, comment structurer le HTML des pages, vous ne pourrez pas savoir ça. Vous ne faites pas attention qu'en haut, ici, là, vous avez default. C'est vrai que peu de gens regardent ce qui est écrit là. Mais en vérité, c'est ce qui est quasiment le plus important dans votre page web. Une page sans titre, c'est une page qui sera mal indexée. Et même si vous arrivez en premier, alors c'est même pire, si vous arrivez en premier dans le résultat du moteur de recherche quand on vous cherche en page default, l'internaute, on a vu au début, il n'a pas envie de s'embêter, il ne comprend pas ce qui se passe, donc vous allez désorienter. Vous ne vous êtes pas nommé. Donc la métadata description, c'est une autre... Donc on va avoir une page formée correctement ici. Hein, donc ici, à Revécoire, nous avons des métadonnées complémentaires. Hein, qui concerne le référencement scientifique, hein, le Dublin Core, hein, qui n'est pas utilisé par Google Generalist ou par Yahoo. Donc le title, il va être... Donc ici, on a généré par le Lodel qui publie l'instance de l'ODEL qui publie cette revue, le titre de l'article. Hein, donc les moteurs de recherche, c'est ça qu'ils demandent. Faites des titres variés. Hein, ne faites pas, il ne suffit pas de faire un titre si votre laboratoire y a marqué le seul titre que vous avez choisi pour toutes les pages est le même, c'est pas bon non plus. Vous avez là, dans les résultats du moteur de recherche, on va voir que des pages qui ont le même titre. Ça n'existe pas, cette catégorie... Ça n'existe pas dans le monde du papier. Il faut revenir à des analogies. On n'a pas des documents qui portent tous le même titre dans une bibliothèque. Ça n'aurait aucun sens. On ne pourrait pas retrouver les documents. Donc le meta-name description, ça va être ce qui va apparaître. C'est ce qui va apparaître ici. Pas toujours, on verra après. Mais en général, ce qui est dans le meta-name description. Ça va être utilisé par le moteur pour vous classer, pour calculer la pertinence, et ça va apparaître dans le résultat de la recherche en dessous du titre qui a été bien formé, qui va proposer un résumé à l'internaute de ce qu'il y a dans la page. Donc ça, c'est important de le renseigner. Donc souvent, il est généré aussi automatiquement en prenant les premiers caractères, les X premiers caractères d'une page. Donc ces deux balises-là, de mon point de vue, hein, peut-être que quelqu'un peut me corriger si vous connaissez la question, mais c'est les deux balises les plus importantes quand on fait du HTML, quand on fait le site de son labo. Il n'y a pas que les ressources électroniques scientifiques, il y a la communication scientifique, hein, aussi la communication de votre institution. Ces deux balises-là, si elles sont mal renseignées, ben c'est très mauvais pour vous dans les moteurs de recherche généralistes. Alors les URL, on a vu que c'était important, et ils n'arrêtent pas de le dire eux-mêmes. Hein. Ils ne démentent pas Tim Berners-Lee. Il n'y a pas de fracture entre ceux qui sont dans la recherche fondamentale, ceux qui ont inventé le web, nous et les moteurs ici. Ils disent que les moteurs aiment les URL courtes et simples. C'est logique, ce sont des logiciels qui visitent vos sites web. Ils n'ont pas envie d'avoir des URL profondes, c'est-à-dire des URL qui vont être, à la fin de l'URL, vous allez avoir le domaine, et ici vous allez avoir... Dossier 1, dossier 2, dossier 3, et après la page. Ils n'aiment pas ça, ça ne leur plaît pas. Ils aiment les mots-clés dans les URL, et ça c'est contraire aux bonnes pratiques. Moi je dis que c'est contraire aux bonnes pratiques de citabilité et de maintenance des ressources électroniques qu'on produit en SHS. Mais ils adorent ça, donc vous pouvez aussi, au moment de la conception du projet, dans le nommage, dans le choix de l'URL de base, quand vous allez louer votre URL à un registrar, un courtier en nom de domaine, pas louer une URL, votre domaine, il est important de se poser la question des mots-clés qui vont être contenus dans cette URL. Hein, donc ici, évidemment, c'est très bon pour retrouver le site de ce directeur de labo. On va tomber plus facilement dessus. Hein. Google donne une prime aux mots qui sont contenus dans les URL. Mais ne vous amusez pas à générer des URL sémantiques dans vos sites. Donc, je dis ça, mais nous, on l'a fait pour le site de Diffon. On l'a fait pour une partie qui est l'annuaire. Donc, j'ai voulu voir aussi comment ça pouvait se comporter. Nicolas était aussi pour que ça fasse ce genre de d'essai. Évidemment, c'est bon pour le référencement. On a des gens, on a envie qu'ils arrivent, quand on recherche leur nom sur un moteur de recherche généraliste, on a envie qu'ils soient trouvés plus facilement. Donc l'URL à la fin, c'est Myriam qui va battre ça. C'est mal de faire ça. Hein. C'est mal parce que si Myriam est célibataire, peut-être que demain elle va épouser. Donc elle va changer de nom. Donc on va devoir changer le nom de la page. Le problème, c'est qu'en plus, dans 2 ans, Myriam, elle ne s'entend pas avec son nouveau mari, qu'il va divorcer, on va devoir rechanger. Donc ça, c'est un problème. Il faut vous poser la question vraiment avant. C'est un choix. Soit on oriente sur un meilleur référencement. On va obtenir quelque chose, mais sur le long terme, on peut peut-être regretter. C'est des choix à faire, mais en toute conscience de ce que ça implique, en fait. Ce que détestent les moteurs de recherche, ce sont les URL doubles. Alors ça, c'est très très important. C'est technique. Quand on va vous proposer un CMS pour publier votre site en ligne, demandez à voir le fonctionnement de ces sites. Les moteurs de recherche détestent ce qu'on appelle les duplicate contents. Parce que si un moteur de recherche, si vous proposez 2 fois le même contenu sur des URL différentes, vous allez abîmer la pertinence des résultats du moteur de recherche, vous allez créer du bruit dans le moteur de recherche. Donc lui, ce qu'il cherche, c'est à éliminer tous les doublons. Donc si sous une même URL, une même adresse, si sous 2 adresses différentes, on aboutit à la même URL, au même contenu, ça pose un problème au moteur de recherche et donc ils vous punissent pour ça. Je vais montrer. Toujours avec le site de l'IFPO. Donc ici, on a un site www.iforium.org/Myriam à ça. Si je fais ça, j'ai la même page. Ça, ils n'aiment pas. Donc, il faut choisir une URL canonique au départ. En fait, je me suis aperçu de différentes choses en préparant cette intervention. Je n'avais pas tout en arrivant. Donc, je n'avais pas fait attention. Là, il a réécrit. Donc, c'est très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais. Enfin, tout va bien. Donc, en principe, ça n'est pas réécrit. Mais si ça n'est pas réécrit, s'il n'a pas rajouté les 3 W, s'il n'y a pas de réécriture de l'URL, on va avoir 2 URL, une sans les 3W, une avec les 3W. Donc 2 accès possibles avec 2 URL différentes à la même page. On est d'accord? C'est compris? Oui. Mais on peut avoir des alias. Voilà, on peut faire des redirections. Ça, les moteurs de recherche demandent qu'on fasse des redirections et qu'on choisisse une URL, un domaine canonique, hein, qui sera www.iforium.org et pas iforium.org. Même si on peut communiquer, vous verrez que sur le marque-page, c'est iforium.org. On a enlevé les 3W par commodité de composition de la maquette dans InDesign du marque-page. Donc ça peut arriver aussi quand vous présentez des résultats dans un site web. Vous allez avoir plusieurs URL qui vont être générées pour la même liste de résultats. C'est-à-dire, si vous faites une interrogation dans un moteur, vous allez avoir une liste de personnes et vous allez la classer par ordre alphabétique différent et à chaque fois, il va vous générer une URL différente. Mais le contenu est le même s'il n'est pas présenté de la même façon. Ça, les moteurs de recherche n'aiment pas. c'est peut-être pas très clair. Ah, pourquoi est-ce que les moteurs de recherche n'aiment pas ça? C'est parce que tout simplement, ça encombre leur base avec des pages qui sont en fait des clones. Bon, déjà, donc ils comptent 10 milliards de pages au lieu de 5 milliards, parce qu'il suffit que vous ayez deux façons d'écrire chacune de vos pages pour qu'il y en ait deux fois plus. Et comme on est dans des économies de très grande, très petite échelle au sens étymologique du terme, c'est problématique, mais surtout, c'est parce que c'est une technique de spam dexing. Donc, tu vas en parler du spam dexing? Non. Donc, le spam dexing, c'est le spam à destination des moteurs de recherche pour que l'indexation soit optimisée. Donc, vous avez 10 pages web. Bon, c'est pas terrible pour attirer un peu Google. Donc, vous pouvez faire comme si vous aviez 10 000 pages web. Vous recomposez toutes vos pages en leur donnant de nouvelles URL. Il y a le même contenu. Pas de problème. Vous rajoutez un petit flux RSS en bas et c'est tout. Et donc, Google et les autres cherchent à voir si vous ne clonez pas par hasard vos pages ou des pages d'autres gens, parce qu'il y a tout un tas de gens aussi qui sont en train de cloner Revue.org et d'autres sites sur d'autres sites pour essayer d'utiliser nos contenus pour avoir des revenus publicitaires. Et Google doit arbitrer entre les clones frauduleux et l'original. Et évidemment, pour le savoir, ce n'est pas très facile. Donc, il s'appuie sur un certain nombre d'algorithmes, de probabilités, etc., notamment l'ancienneté du site. C'est en fait pour contrer les pratiques frauduleuses d'optimisation à destination des moteurs de recherche. C'est d'ailleurs pour ça que tous les mots-clés dans les pages web que vous déclarez ne sont pas utilisés. C'est parce qu'ils étaient déclarés frauduleusement dès le début, c'est-à-dire IBM déclarait être Apple et Apple déclarait être IBM, comme personne ne le voyait. Ils essayaient de récupérer le rayonnement médiatique de leurs concurrents. Maintenant, ils ne cherchent à indexer que ce qui se voit, c'est-à-dire le title et l'URL, vous le voyez. Donc, si vraiment Apple dit qu'il est IBM, vous le voyez, donc ça va choquer. Voilà. En revanche, les mots-clés sont cachés et donc c'était absolument n'importe quoi. Donc, en fait, on est dans une société non régulée, non scientifique, où les pires pratiques imposent une réduction forte de nos capacités sémantiques, puisqu'en fait, il y a le soupçon de fausses déclarations. C'est pour ça que dans les moteurs de recherche scientifique, même si d'un point de vue algorithmique, la puissance de calcul, etc., ils peuvent être éventuellement inférieurs, on est dans une société, dans un écosystème, dans un microcosme où il y a un degré de confiance supérieur et où on imagine qu'on ne va pas marquer porn, sexe, hot dans nos métadonnées de revue.org et donc on aura un peu plus confiance dans l'enrichissement sémantique qui sera donné. C'est pour ça qu'Oyster peut utiliser les métadonnées, mots-clés et résumés, et pas parce qu'il est plus puissant, pas du tout, il est beaucoup moins puissant que Google. Mais Google ne peut pas se permettre d'utiliser parce qu'elles sont frauduleuses à 20, 30, 60%. Donc, voilà. J'avais une petite question par rapport à ça. On peut lutter contre le clonage interne, justement, etc. Est-ce que Revue.org lutte contre le clonage externe de ses propres pages et comment? Merci. Est-ce que tu me dis qu'elles sont copiées ailleurs? Oui, quand on les détecte, on écrit aux responsables. Il y a une université dans les États-Unis qui, pendant 2 ans, a une bibliothèque qui mettait dans un proxy chez elle des dizaines de sites web, y compris les 40 000 pages de Revue.org, ce qui correspond à 250 000 pages web, hein, parce que les 40 000 articles, ça fait 250 000 pages web. Et Google passait dessus allègrement et les indexait, et donc il y avait bien des clones et on risquait des gros problèmes. On leur a écrit très longuement pour qu'ils arrêtent. Mais sinon, si ce sont des sociétés offshore en Russie, on ne peut rien faire. Et donc, en fait, c'est simplement leur comportement bête et méchant qui font qu'ils se grillent et que Google les détecte. Il n'y a pas, à ma connaissance, de possibilité de se plaindre de comportements sur les moteurs de recherche. Et ça, on s'en est rendu compte parce qu'on a organisé le référencement au sein de Revue.org, au sein du Cléo, et qu'on était un certain nombre à avoir un rôle de vigilance sur ces questions, à observer ce qui se passait sur les serveurs. On verra comment on peut voir le trafic qui a lieu dans nos pages et sur nos serveurs. Donc l'URL sémantique, hein, les URL du monde. J'avais juste une question. Quand tu as montré tout à l'heure les deux adresses, là, une adresse sans les 3W et une adresse avec W, tu disais que tu étais surpris, finalement tu pensais qu'il y avait les deux, finalement tu as aperçu qu'il y avait les deux. Oui, je sais. Alors c'est à quel moment que ça se fait cette erreur? Ça peut se faire, c'est à quel moment? Il faut demander à son administrateur système, à la personne qui gère son serveur web, Apache ou un autre, mais bon, c'est souvent Apache chez nous, de faire une redirection d'URL. Oui, c'est ça, les 3W, c'est un sous-domaine ou un sous-domaine selon la forme de l'URL. Et ça, c'est au niveau de la configuration de la page, tu as le domaine qui est qui souvent chez nous c'est encore, le domaine lui-même. 3W encore, c'est un sous-domaine. Et donc nous ce qu'on fait, c'est que de Mais on ne sait pas, qu'on est record dès qu'il détecte qu'il n'y a pas le 3W, il redirige directement sur 3W et il donne le code nécessaire à l'agent qui est en train de passer pour lui dire c'est une redirection permanente. Donc c'est même pas la peine que tu reviennes sur record sans le 3W, il faut que tu utilises toujours 3W pour record. Et si l'agent subit la recommandation HTTP, avec le code correct, il doit retenir ça et ne plus jamais essayer de revenir sur record sans le 3W. Au passage, je dis que je signale que Google ne suit absolument pas les codes HTTP là-dessus, puisque quand il est sur des anciennes pages pour lesquelles on lui a indiqué qu'il ne devait plus jamais y revenir et qu'on lui a donné le code correspondant, 301, si je ne dis pas de bêtises, il continue à revenir, mais des années après. C'est son comportement, c'est assez mystérieux pour nous, mais on le voit dans les deux. Donc on continue à le rediriger, et c'est pour ça qu'on garde nos redirections. Parce que les redirections, quand on fait une redirection à un moment donné, il faut la garder. C'est un truc historique, il faut le garder, mais à vie, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de solution. J'en profite pour mettre mon grain de sel. J'adore ça. Non, c'est bien, merci. Les URL sémantiques, c'est ta formule. Je dis URL explicite parce que le monde sémantique est un autre monde que l'URL explicite. Mais c'était ce qui était utilisé au départ. Voilà, je pense qu'il faut l'abandonner parce que. Vocabulaire entre dans, peut-être. Ouais, je pense que c'est explicite, c'est plus long, explicite. C'est ou verbeuse, on peut dire aussi, ce qui est un peu plus. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, donc je vais peut-être passer plus vite sur d'autres parties. Donc, les URL, il faut être un peu intégriste sur cette question, en vérité. N'écoutez pas votre informaticien quand il va vous dire qu'il ne peut pas faire autrement que de vous produire des URL avec des virgules, des points d'interrogation et des signes incroyables, des arrobases dans les URL. Enfin, il y a des gens qui fabriquent des CMS et qui produisent des URL totalement délirantes. Ça n'est pas vrai, on peut faire autrement, on peut réécrire des URL, ce qu'on appelle l'URL rewriting. Et quelqu'un de compétent vous fera de jolies URL courtes et bien formées. Merci Bruno. Comme Bruno, voilà. Donc le sitemap, c'est une technique que demandent les moteurs de recherche, ils aiment bien ça. Hein. Donc Google aime le sitemap, ça va être une carte de votre site, une carte en HTML qui va permettre au robot de passer plus facilement, de détecter tous les liens, hein, de se dire « Ah, ben, c'est par là que je dois passer, c'est par là que je dois passer, c'est par là que je dois passer. » Donc ça, c'est une carte qui va être lisible par un être humain, et aussi un fichier XML que vous allez poser à la racine de votre site, et qui va indiquer la liste des URL qui composent votre site. Donc ça va lui faciliter le travail, il ne va pas aller devoir suivre tous les liens absolument. Et dans ce fichier XML va être indiqué quelles sont les URL qui ont été mises à jour. Donc il ne va plus aller visiter les URL qui ne sont pas mises à jour. Et du coup, votre indexation sera plus efficace et Google va gagner du temps et tout le monde est content. Donc ça c'est un standard industriel qui est adopté par l'industrie de la recherche, aussi bien Yahoo. Google que Bing respectent le sitemap. Il y a des outils pour sauver ça. Donc je passe rapidement sur la sitemap parce que la gestion des erreurs 404, c'est beaucoup plus important. Il faut absolument gérer vos erreurs 404. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur 404 ? Marie en a parlé pendant son intervention. Quand j'arrive sur une page et quand j'ai donné une adresse à mon navigateur et qu'il n'y a rien à cette adresse, je vais obtenir une erreur 404. Donc il y a toujours des erreurs. D'abord, on a fait des bêtises avec les URL, on n'a pas fait les redirections. Pas tout le monde a la chance d'avoir Bruno comme informaticien. Donc on n'a pas toujours fait des redirections. Les gens vont taper des mauvaises adresses ou une mauvaise adresse a été indiquée dans une bibliographie papier, c'est le dépôt du papier, on ne pourra pas le mettre à jour. Et donc on va arriver dans des cul-de-sac de l'Internet. Donc si je tape n'importe quoi sur le site du Monde, ah, j'ai tapé une mauvaise adresse, je vais arriver sur une erreur 404 qui va me dire votre page que vous avez demandé est introuvable. Et donc voilà, j'ai un message qui m'explique que cette adresse n'existait pas. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Parfois on a moins de chance. Alors, Donc les bonnes pratiques ne parlent pas que du référencement et que de l'acquisition d'un PageRank fantastique. Le CNRS a un PageRank 2.9, hein, mais il n'a pas de page 404 personnalisée. C'est bien dommage parce que ça parle aussi voilà, du manque d'intérêt pour l'utilisateur final. Peut-être que là, on n'a pas quelqu'un qui est chargé de voir si tout va bien pour l'utilisateur quand il utilise ce site. Donc là, je suis dans un cul-de-sac, je ne peux pas remonter. Là, mon chercheur de tout à l'heure, qui, quand il n'a pas Google, il ne peut rien faire. Là, il est embêté. Hein. Il va fermer son navigateur et le rouvrir pour avoir Google comme page d'accueil. Je ne sais pas où je suis. J'ai juste 404 not found, ce qui est conforme. Hein. C'est pas non plus. C'est conforme à. Le serveur renvoie il vient une adresse 404. Et c'est quelque chose de très courant. Hein. Voilà. Donc là, pareil, si je fais une erreur, je vais me retrouver avec. Là, le serveur ne renvoie même pas d'erreur 404. Donc ça, c'est même pas légal, en fait, entre guillemets. Hein, les serveurs web doivent renvoyer des adresses, des erreurs avec des numéros 500. C'est un serveur qui a des problèmes. 404, c'est qu'il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Là, je n'ai rien du tout. Donc, et ça, c'est de la perte de trafic, c'est de la perte d'utilisateurs. Vous perdez vos lecteurs quand vous ne gérez pas vos adresses 404 correctement. Donc, si je vais sur Revue.org, on va voir un exemple hein, chez nous. Voilà, ici, on a une adresse 404 qui nous permet, désolé, de revenir à la page d'accueil. Voilà. Hein, c'est de la haute technologie quand même. Hein. C'est pareil à Nico. Si je fais ça, je vais avoir quelque chose qui va m'expliquer. Et en plus, nous, on a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas fait de redirection avec les anciennes URL du site web qu'on avait jusqu'en mai. Et donc voilà, on peut ajouter aussi un formulaire de recherche pour que les gens puissent rechercher l'information qu'ils pensaient trouver en arrivant sur cette erreur 404. Donc ça, c'est très important parce que vous perdez des lecteurs, en vérité, et il y aura toujours des erreurs 404. C'est pas que vous avez, vous, des erreurs, mais les lecteurs peuvent faire des erreurs. C'est le problème toujours hein, dans ces dispositifs, c'est l'utilisateur. Donc ensuite, on a parlé des URL, qu'il fallait faire de belles URL, et ensuite, il faut ces URL, quand vous allez utiliser les vôtres ou celles des autres, il faut les soigner en tant que lien. C'est-à-dire que vous allez devoir donner du sens. Les mots-clés sont partout. Les mots-clés ne sont pas uniquement dans la valise MetaName Keyword, qui ne sert plus à rien pour la question de référencement généraliste. Les mots-clés sont partout dans la page, ils sont aussi dans les liens. Donc, il faut donner du sens à vos liens et arrêter de faire des liens où il y a marqué « cliquez ici ». Ça ne veut rien dire pour le moteur de recherche « cliquez ici ». Parce que le robot, quand il arrive au lien, il se dit « ah, qu'est-ce que je vais trouver après ?» Si vous avez indiqué un mot-clé correct, il va deviner qu'après, il va trouver tel ou tel contenu. « Cliquez ici », ça ne parle pas du contenu qui va être suivi par le lien. Vous pouvez aussi, si vous avez, vous pouvez dire aussi au moteur de recherche de ne pas suivre certains liens. Ça, c'est intéressant quand vous allez travailler sur des sources. Ça, c'était une discussion sur, je ne sais pas si la personne était là, les collègues suisses qui parlaient de la nature des liens, c'était embêtant, on envoie sur des sources, on envoie sur des études, et on ne sait pas toujours. Mais en fait, dans le code HTML d'une page web, on peut dire au robot des moteurs de recherche de ne pas. Il n'y aura pas de prime donnée au lien qui est indiqué. Donc, si on renvoie vers un site nazi, on peut dire, puisqu'on étudie cette question, donc on donne un lien sur la source, on peut dire au moteur de recherche de ne pas le suivre et donc on ne va pas donner de page rank à cette page. Ça, c'est intéressant. Juste, on peut faire lien par lien, c'est automatisé, par exemple. Mais automatisé. Pour les commentaires, dans les blogs, oui, c'est des questions de gestion de plateforme ou d'installation de plugins dans son outil de publication du blog. Pour le reste, non, ça peut pas. On peut pas deviner quand on voit vers des nazis, donc il faut là une intervention humaine qui est nécessaire. Mais en tout cas, la technique aussi parle de vos intentions éditoriales, documentaires, et c'est intéressant de le savoir. Il faut structurer vos textes en fait, et ça, c'est vraiment pas quelque chose de. Les moteurs de recherche aiment quand les textes sont structurés, et ça, c'est bon pour vos textes. Hein. Mettez des niveaux de titres, des intertitres. Mettez du gras là où il faut et ne mettez pas le titre en gras en vain, mais dites que c'est un titre. Hein, donc on va avoir du balisage avec des balises H1 pour dire que j'ai un niveau de titre 1, H2 pour dire que j'ai un niveau de titre 2, et je vais revenir en H1, H2, H3 pour structurer mon site, mon contenu. Et ça, c'est bon pour vos contenus, c'est bon pour le référencement, et c'est bon pour l'interopérabilité des contenus et leur migrabilité aussi. Arrêtons de mélanger la mise en forme et la structuration des contenus, et ça, les moteurs, ils aiment. Et c'est bon pour l'accessibilité, et donc ça sera plus facile pour une machine vocale, pour un envoyant, d'écouter, de lire à haute voix votre site s'il est structuré correctement, sans mélanger le fond et la forme. Il ne faut pas oublier les images, j'ajoute ne pas oublier les fichiers. Les moteurs de recherche, ils ont envie d'indexer vos images, hein. Google Recherche d'images existe. Donc il faut donner des titres signifiants à vos images. Image.jpg, ça ne veut rien dire, et le moteur de recherche va indexer le titre de l'image. C'est la même chose pour tous les autres fichiers que vous déposez sur votre site. Donc il faut renseigner certains attributs, ça c'est automatisable aussi, au moment où vous insérez des images dans votre site, il y a, dans Drupal par exemple, il y a un onglet qui permet de dire ça c'est le titre de l'image. Ça va aussi être utilisé en cas de cassure de l'image ou de lecture avec un dispositif qui ne va pas afficher l'image, quand certains téléphones portables ou d'autres agents utilisateurs, un navigateur est un agent utilisateur, une machine vocale est un agent utilisateur, de donner le titre. Et bien sûr d'utiliser des formats qui sont pris en charge correctement par les navigateurs, donc des formats qui sont des standards du web, des standards industriels. Mais en tout cas, en termes de fichiers, je sais que dans l'institut, une bibliothécaire me demandait régulièrement de poser sur le site web une base de données en FileMaker Pro, en fichier. Bon, je le fais parce que elle a cet usage, c'est une habitude, mais ça ne sert à rien en vérité, parce que si vous n'avez pas le logiciel pour l'installer de l'autre côté, votre utilisateur, on l'a vu au départ, si ça devient trop compliqué, il va abandonner votre information. Donc, évitez d'utiliser des formats de fichiers trop exotiques. Et sur le PDF, je le dis ici parce que je n'ai pas mis de slide exprès, les PDF provoquent aussi des tas de résultats dans les moteurs de recherche untitled. Il y a les métadonnées facilement renseignables dans les moteurs de recherche, dans les fichiers PDF, il suffit d'ouvrir les propriétés et de donner le titre du fichier PDF. Et ces métadonnées-là, Google va les indexer. Le fichier robot.txt, c'est un autre outil qui peut être utilisé pour cacher une partie des contenus pour indiquer comment le moteur doit les indexer. Ça peut être pratique si vous mettez par exemple un site en mode ouvert que vous ne voulez pas encore voir indexé parce qu'il n'est encore pas prêt. Vous pouvez indiquer dans ce fichier que le robot des moteurs ne l'indexe pas. En général, il le respecte. Il n'y a pas d'obligation légale de respecter le robot TXT. Donc on ne l'utilise pas pour protéger des contenus sensibles. C'est une commodité pour aussi éviter du bruit dans les moteurs. Ne pas oublier ensuite de dire au robot d'indexer en remodifiant le robot parce que ça peut vous condamner à ne pas exister dans les moteurs de recherche. Tu veux dire robots? Robots. Parce que tu as écrit robot. Alors on va faire une erreur 404 sur le... C'est au pluriel. Ouais. Donc, il y a des services complémentaires, je n'aurai pas le temps de les montrer, offerts par le moteur de recherche. Moi j'utilise Google pour les outils pour les webmasks. C'est assez pratique, ça permet de voir des tas de choses. À l'intérieur de la façon dont Google va indexer votre... s'il y a des erreurs dans l'indexation de vos contenus, ça va permettre de lui indiquer que vous avez un sitemap plus facilement et une série de choses comme les liens de site, hein, ça c'est important, je trouve. Vous voyez maintenant, vous avez peut-être remarqué que dans certains résultats des moteurs de recherche, donc dans les résultats de recherche naturelle, vous avez des sous-catégories, des sous-chapitres du site. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les liens de site. Et vous pouvez réguler vos liens de site, hein, en supprimer certains, parce que des fois, Google les choisit de façon aléatoire pour l'utilisateur. On ne sait pas comment il fait, mais en tout cas, il choisit certaines rubriques, mais il ne dit pas comment il le fait. Vous pouvez lui dire d'en retirer certains. Ça, c'est important. Donc, Google Webmaster Tools permet ça. Vous pouvez aussi enregistrer votre labo dans Local Business Center, ce qui va vous faire apparaître plus facilement dans les résultats de la recherche sur Google Maps. Et vous avez la même chose chez les concurrents que sont Yahoo et Bing. Vous avez des boîtes à outils ou des outils qui vont améliorer un peu votre référencement et vous donner des idées sur la façon dont le référencement a lieu quand les moteurs de recherche passent. Ce qui est important, c'est d'utiliser les statistiques de fréquentation. Comment on s'est rendu compte qu'on nous pompait un tout revue.org pour le mettre dans un intranet de bibliothèque? C'est en consultant les statistiques de fréquentation du site. Merde. Je peux montrer les autres. Oui, bien sûr, son public. Voilà, ça ce sont les statistiques de fréquentation de Revue.org, il y a toutes les revues. Ces statistiques sont produites d'après les fichiers de logs, les web logs, d'où vient le terme blog, du serveur qui sert les pages web de Revue.org. Donc on a des informations assez précises. Jamais des gens qui étaient en charge d'outils d'éditer du texte n'avaient autant d'informations sur leur lecteur. Et donc ici, c'est important pour vous de demander à vos informaticiens, si vous n'êtes pas informaticien, qu'ils vous produisent des statistiques de fréquentation de vos sites pour pouvoir surveiller. Et c'est pas la peine de passer 3 heures tous les matins, mais de temps en temps, il faut aller voir, il faut s'inquiéter de savoir si le Googlebot ne passe jamais chez vous. Nous avons 107 robots différents. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait plus de moteur de recherche, plus que 3, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui viennent faire des recherches et des moteurs orientés professionnellement. Donc on a plein d'informations sur la fréquentation du site, et notamment on va avoir le taux d'adresse 404, on va pouvoir vérifier pourquoi on a l'adresse 404 par exemple. Ouais. Donc c'est là-dedans qu'on avait constaté, pas dans les 404, mais dans les IP qui arrivaient sur notre site, qu'il y avait un gros trafic qui venait toujours du même endroit, donc on s'est demandé ce qui s'y passait. Donc c'est là que vous allez aussi voir vos référeurs, les gens qui font référence à vous, hein, les intermédiaires du référencement, vous allez les voir concrètement ici, hein, quels sont les sites web qui renvoient du trafic vers vous. C'est où. Voilà, ici. Voilà, donc on a une idée des pages qui renvoient directement sur les pages de son site. Ça c'est intéressant à voir. C'est important. D'ailleurs, c'est important en termes de redirection, puisque pour le site de l'IFPO, j'ai constaté qu'une version antérieure du site, une URL qui avait changé depuis le domaine, renvoie toujours vers notre site par rebond sur le domaine, et que donc la redirection, on a eu raison de la faire à l'époque, puisqu'il y a toujours des liens sur d'autres sites qui renvoient vers cette ancienne URL. Donc des statistiques de fréquentation, il y a un autre outil, c'est Google Analytics, hein, donc on peut débattre de la pertinence de le mettre en place, mais en tout cas ça donne beaucoup d'informations très précises, hein. Ça va vous dire exactement où les gens cliquent dans votre page, ça va vous donner des tas d'informations sur votre trafic, ça va aussi donner beaucoup d'informations à Google sur ce que vous faites, donc bon, ça va nécessiter ici, donc la mise en place des statistiques de fréquentation va nécessiter ici de s'adresser à un informaticien ou à une plateforme ou à une société comme Google. Mais c'est un outil de pilotage et de veille de votre référencement et de ce qui est fait de vos contenus sur le net. Les annuaires, les annuaires, on passe très vite, c'est les annuaires généralistes, il n'y en a quasiment plus. Il y avait un annuaire très connu qui fonctionnait sur le mode collaboratif, ça s'appelait Open Directory Project, DIMOS. Il reste important pour la recherche, les résultats de la recherche dans Google, car ici, si vous avez mal rempli vos métadonnées, il va aller chercher le résumé, parfois, pas toujours, le résumé de le descriptif de votre site. S'il n'a pas trouvé la bonne balise description dont on a parlé tout à l'heure, il va aller la chercher dans DIMOS. Il va utiliser la description de DIMOS. Et il le fait toujours encore aujourd'hui, alors que ce projet tous les jours, on se demande si le DIMOS n'est pas fermé. En fait, il n'est pas fermé, il continue. Il est un peu moribond, mais les moteurs de recherche continuent d'utiliser. Donc, ça, si vous avez une description, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez mis une bonne description dans vos métadonnées, pourquoi c'est toujours une description différente qui apparaît, c'est qu'allez vérifier dans DIMOS votre référencement. C'est peut-être de là que ça vient, en fait. Donc, il y a des annuaires spécialisés. Il y a Intuit en Grande-Bretagne, hein, qui couvre toutes les sciences. C'est un annuaire scientifique. TikTok, je l'ai mis dans les annuaires, mais bon, on peut discuter, mais c'est un annuaire de flux RSS de sommaires de journaux, un agrégateur de sommaires de journaux qui utilise le RSS, hein, interopérabilité, et qui moissonne qui recense toutes les revues de revues par erreur. Il y en a d'autres, il y a le DOAJ dont on a parlé pour l'open access. Donc il faudra aller voir là si vous y êtes, si vous portez une revue, et comment y rentrer. Les moteurs de recherche scientifiques ne vont pas fonctionner toujours comme les moteurs de recherche généralistes, par un crawl simple de vos données, ou alors ils vont faire un crawl, ils vont faire c'est-à-dire le crawl, c'est le parcours par les robots de vos pages web, ça va être différent. Wyster, j'en ai parlé tout à l'heure, va moissonner des dépôts OAU, donc c'est un moteur de recherche qui s'appuie complètement sur les métadonnées et pas sur le texte intégral, donc il ne moissonne pas le texte intégral des ressources que vous recherchez, il va vous donner les métadonnées, donc il va le chercher dans les résumés, dans les mots-clés, compagnie. Cyrus.com, c'est un moteur de recherche scientifique qui est financé par Elsevier, en bonne partie. Lui, il va faire un mix des deux, il va moissonner des dépôts OAI et il va... faire des crawls de sites web. Pardon ? Ah ben on va voir ce qu'il va mettre. Et donc vous avez les deux possibilités et il va mettre en avant systématiquement une série de ressources électroniques. Il y a une faute. Sans du pantalon, voilà. Bon. Bon, la pertinence de ce moteur est parfois. Bon, ça pose certains problèmes. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que comme c'est Elsevier qui porte ce moteur, ils vont mettre en avant les résultats au niveau des revues d'un ensemble de partenaires ou de leurs propres revues. Google Scholar, on va. Moi. Il me reste 2 minutes. Google Scholar, non, ça ne me pas de chance. Et donc, juste Google Scholar. Demande des métadonnées particulières. Ce que je voulais vous dire ici, c'était que donc voilà, on a la liste des métadonnées qui demandent. C'est pas facile de savoir d'obtenir cette liste. Hein, les collègues du pôle information scientifique et technique, information scientifique, pardon, ont eu du mal à les obtenir. Dans un premier temps, ils nous ont dit qu'il fallait du XML, NLM, et puis maintenant ils nous disent qu'il faut des métadonnées de ce type-là. Juste pour vous dire qu'il sera peut-être difficile pour vous seul de formater des métadonnées de ce type. Alors que dans d'autres plateformes, on va industrialiser la proposition de ces métadonnées auprès de Google Scholar. C'est ce que nous allons faire à Reliquary. Bon, il y a Wikipédia. C'est important de savoir que ça existe. On l'a dit tout à l'heure, il y a des statistiques, des résultats d'enquête qui prouveraient que les chercheurs cherchent aussi Wikipédia, malgré le discours souvent assez réactionnaire par rapport à Wikipédia dans la communauté scientifique française ou dans les médias. Mais en tout cas, ils l'utilisent. Hein, et la preuve, c'est que 57,2 millions d'internautes ont visité au moins une fois Wikipédia ou ses sites au mois de juillet dernier, donc en y passant au moins 20 minutes, donc c'est énorme en fait. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'expertise de la communauté scientifique, si vous l'apportez dans Wikipédia en contribuant, vous pouvez aussi apporter du référencement, hein, du référencement institutionnel, du référencement de la connaissance que vous allez apporter, parce qu'évidemment vous allez citer vos sources, vos articles ou ceux des collègues dans Wikipédia, ça générera du trafic et de la notoriété de votre communauté dans l'encyclopédie. Moi je pense que c'est ce que nous devrions faire. Bon, je termine avec Facebook et Twitter, les réseaux sociaux. Hein. La bibliothèque du Congrès vient de créer un compte Facebook, en paraphrasant Elvis Presley, 200 million Facebook fans can be wrong. Hein, donc c'est l'idée, il y avait un slogan comme ça pour un album pour Elvis Presley. L'idée, c'est de se rapprocher de ses utilisateurs, hein, quand on fait de la lecture publique, mais quand on fait aussi de la science, on va se rapprocher de là où se trouvent les lecteurs. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans Facebook pour... on ne va pas raconter la vie de la bibliothèque du Congrès par le petit bout de la lorgnette, mais en tout cas, les actualités de la bibliothèque peuvent aller dans Facebook. C'est ce que nous faisons à l'IFPO. Hein, nous avons un compte Twitter qui annonce les nouveautés ou les actualités scientifiques du site, une sortie de nouveaux livres, des conférences, et ce compte est réinjecté dans Facebook. Et aujourd'hui, nous avons 167 fans dans Facebook. Et puis comme ça, bon, ça, la pelote va se faire, la boule de neige va se faire. Et c'est une façon aussi, je vous disais tout à l'heure, le référencement doit être un élément stratégique du plan de communication et doit être intégré dans la stratégie globale de communication. Et pour moi, ça, c'est du référencement et de la communication. Hein. Donc là, aussi les métiers, c'est les communicants qui vont pouvoir utiliser ces outils quand on a compris la liquidité du web et la capacité des contenus à se rendre interopérable et à intégrer des outils différents. Voilà, je vous remercie. Je propose qu'on discute pendant le repas pour plutôt que maintenant, même si c'est un peu frustrant, mais c'est la meilleure façon de ménager vos organismes.